Livre 1, poème 3, Mes deux filles. Lorsque Victor Hugo compose ce poème, Léopoldine a 18 ans et sa sœur Adèle 12. Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, l'une, pareille au cygne, et l'autre à la colombe, belles, et toutes deux, joyeuses, ô douceur, voyez, la grande sœur et la petite sœur sont assises au seuil du jardin, et sur elles, un bouquet d'œillets blancs, aux longues tiges frêles, dans une urne de marbre agitée par le vent, se penche, et les regarde, immobiles et vivants, et frissonne dans l'ombre, et semble, au bord du vase, un vol de papillons, arrêté dans l'extase.